Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier, vérifier que le téléphone soit fermé. Prenez les choses du Seigneur au sérieux. Les saints qui ont vécu avant nous, nous attendent. Ils nous attendent. C'est nous qu'ils attendent. Ils nous attendent. Il faut qu'on traverse rapidement les mêmes situations qu'ils ont traversées et qu'on sorte vainqueur. Quand la dernière génération sera entrée, quand ça sera terminé, on va les rencontrer là-bas dans la joie. Il n'y a pas quoi que ce soit des joies permanentes ici sur la terre. Cherchons ce qui est permanent et définitif, d'accord? Souvenez-vous que malgré que nous soyons dans une période temporaire, nous sommes là pour écrire des choses de l'éternité. Souvenez-vous toujours cela. Que nous sommes de passage sur la terre, mais notre passage a un impact sur l'éternité. Et donc nous devrions prendre ceci en considération, que chaque acte que nous posons dans notre vie, en pensée, en parole, en acte, en agissant, nos relations, ça peut avoir des répercussions sur le plan de l'éternité. Pensez-y, d'accord? Pensez vraiment. Baissons la tête, prions. Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants pour tes grâces. Parce que quand nous dévions, c'est toi qui nous corriges. Effectivement, ta parole nous corrige chaque jour. Et souvent, ça nous fait vraiment mal. Mais qui sommes-nous, Père de gloire? Car si nous fuyons aujourd'hui, demain, nous te rencontrerons devant le trône. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de marcher d'après elle, d'après tes instructions. Et je prie, ô Dieu de gloire, que toute personne qui écoute cette voix, Père de gloire, ne pense pas que j'ai quelque chose contre elle, Père de gloire, mais que c'est toi qui a envoyé dire ces choses-ci, et que ce ne sont pas les choses nouvelles, mais ce sont les choses que tu as dit, et dont les gens se sont écartés. Tu m'as envoyé dire ces choses-ci afin que les gens reviennent à l'ordre. Je prie au Dieu de gloire que tu donnes à chacun de nous, à chaque personne qui m'écoute maintenant ici à Libreville et même ailleurs, de comprendre que l'heure est grave et que nous devons vivre seulement dans la droite ligne que tu as déjà tracée pour nous. Je te le recommande entre tes mains, je recommande également ce moment de partage entre tes mains, afin que tu continues de nous édifier. Tu nous dis quelle est ta pensée pour chacun des sujets maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne posez pas de questions maintenant, je vous donne un sujet qu'on pourra piper quelque part dans la boîte aux lettres postée par le Saint-Esprit. Avez-vous des questions? Posez vos questions. Sentez-vous libre de poser des questions. Nous sommes lundi. C'est lundi aujourd'hui? C'est lundi ou c'est mardi? Lundi. Je ne sais pas. Mercredi, c'est le dernier jour où nous allons nous voir ici certainement. Donc, épuisez vos questions. Oui, mon frère. Tout à l'heure, ne tirez pas les chaises, portez les chaises. Quand vous tirez, ça fait des bruits. Tout à l'heure, en lisant l'intimité, oui. Je suis tombé sur ce verset qui parlait de Ève qui devait être sauvée par sa descendance. Oui. Je voulais savoir de quoi il est question exactement. Qui a légalement rencontré ce problème? Vous avez lu les mêmes livres, non? Vous avez suivi, vous avez vu ce qu'il a dit là? On n'a pas le chapitre 2 de 1 Timothée. Vous avez le verset 12, le verset 13, parce que c'est là où ça se trouve. Ouvrez donc cela. Un Timothée chapitre 2. Donc la question c'est, il y a une expression que l'apôtre Paul utilise là-bas. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La question qu'il a de vouloir poser c'est, enfin c'est pas lui seul qui pose la question, plusieurs personnes posent la question dans le monde. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Elle sera sauvée en devenant, néanmoins en devenant mère, en restant dans la soumission. On va d'abord lire cela et voir ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Tu y es, mon cher. Ça, c'est la Bible témoin de Jéhovah que tu as là. Oui. Que Dieu te bénisse. Lis-nous ça. Lis-nous ça dans la tradition Monde Nouveau. 1 Timothée chapitre 2, versets 12 et 13. Lis-nous dans la version des témoins de Jéhovah. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, oui, ou de dominer sur l'homme. S'il vous plaît, ne tirez pas les chaises. Si vous voulez déplacer les chaises, portez les chaises parce que c'est désagréable à l'écoute. Je ne permets pas. Attends d'abord, frère. C'est vous qui venez d'entrer. On a de lire dans 1 Timothée chapitre 2. Une fois de plus, c'est les femmes encore. Elles dérangent. Et donc là, le frère dit quelque chose. On a écrit quelque chose dans le verset 12 et le verset 13 qu'il désire comprendre ce que ça veut dire. Lui n'est pas le seul cas, parce que je rencontre ces mêmes problèmes, ces mêmes questions, c'est partout. Je crois qu'une fois pour tout, une fois pour tout, il faut que le Seigneur nous dise quel est le contexte et ce qu'il a de vouloir dire ici. D'accord? Allons-y à partir du verset, depuis le verset 9, allons-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme, mais qu'elle soit dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Stoppons d'abord là-bas. Vous voyez que dès qu'il dit directement, dès que toute votre attention, mes chers soeurs, et mes chers frères, et mes chers soeurs surtout, dès que l'apôtre Paul écrit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, vous voyez, dès qu'il écrit ça, qu'elle demeure dans le silence. Il ne dit pas, parce qu'ici il a écrit à Éphèse, pour le faire aux Éphésiens. Parce que les gens qui lisent là, il y a des gens qui disent, oh non, non, non, ils écrivaient ça à l'église d'Éphèse, parce qu'à l'église d'Éphèse, il y avait trop de désordre. L'apôtre Paul n'écrit pas aux Juifs. Lui, il était un Juif. C'est les Juifs qui ont la Genèse, le livre de la Genèse, où on raconte l'histoire de Moïse. Les païens n'ont pas cela. Vous comprenez cela? Il a écrit, et puis il a dit, de toute façon, Adam n'était pas un Juif. Nous sommes d'accord. Ève n'était pas un Juif. Dieu, lui, n'était pas un Juif. Il a commencé par créer l'homme et la femme. Point final. Ça n'avait rien à voir avec la religion, avec la classe sociale. D'accord? Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, le premier s'est posé dans la Genèse. L'apôtre Paul écrit ici que je ne permets pas à la femme, il n'a pas dit à la femme éphésienne, il n'a pas dit à la femme corinthienne, il dit je ne permets pas à la femme tout court dans une ligne dominée sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Il dit car, il dit voici le pourquoi, car veut dire, il veut justifier le pourquoi il a dit d'interdire, l'interdiction est donnée à la femme d'enseigner. Il dit car, il ne dit pas que c'est à cause d'un problème culturel, il ne dit pas que c'est encore un problème de corinthien, ni un problème d'éphésien, il dit car Adam, il dit le problème se pose au commencement. Au commencement, il n'y a pas des Éphésiens, il n'y a pas de Corinthiens, il n'y a pas de prostituées. Il y avait Adam et Ève. Il parle de l'original. Donc, il l'amène dans la pensée de Dieu. Que dans la pensée de Dieu, Dieu a une pensée. Quelque chose s'est passé. C'est pour cela qu'il interdit à la femme d'enseigner. Vous comprenez? Or, justement, si vous lisez au commencement, vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26-27. Quand Dieu avait dit que créons l'homme à notre image, la Bible déclare qu'il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Puis Dieu leur dit. Dominer. Donc la même chose avait été donnée à l'homme comme à la femme comme commandement dès le départ. Lorsque la femme a fait péché et que le péché est entré, Dieu dit maintenant, tes désirs se tourneront vers ton mari, il dominera sur toi. Le commandement a changé. Vous comprenez cela? Prenez le temps d'écouter cet enseignement sur la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu et dans l'église. C'est deux enseignements de 4 heures, de 2 heures. Ce genre d'enseignement, n'écoutez pas à la hâte. Quand vous avez le temps, par exemple, quand vous vous gênez, vous vous disciplinez. Vous prenez votre Bible, votre cahier, vous mettez l'enseignement, vous écoutez, vous mettez pause de temps en temps. Parce que dans cet enseignement, je vais vraiment doucement depuis la Genèse pour expliquer ces choses-ci. Donc vous voyez, quand les gens disent que, quand ils veulent justifier le pourquoi, ils laissent que les femmes enseignent, ils disent que non, non, non, parce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il écrit aux Thessaloniciens, il écrit ici. Or, il n'y a pas aucune Bible qui est écrite pour notre époque en disant que à Libreville. Vous avez vu un verset qui dit à l'église de Dieu qui est à Libreville. Mais on a dit toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Donc ça dit que si un endroit, une femme est en train d'enseigner, on doit leur corriger que l'écriture dit que tu ne dois pas enseigner. Parce qu'il n'y a pas d'autres références. Il n'y a pas une référence de l'écriture qui dit par exemple à l'église, aux églises de Dieu qui est au Gabon. Je suis venu avec ma Bible du Cameroun. Je vous ai trouvé, si vous voyez que nous lisons la même chose dans la même Bible, c'est-à-dire la même instruction est donnée pour vous et pour moi. Si je vais en Chine, je vois les Chinois devant la Bible. Dans leur langue, quand ils veulent dire, je ne peux pas la femme d'enseigner, quand ils sont en Chinois, ils vont comprendre que c'est la même chose qui est écrite là-bas. Point, quelqu'un dit que la parole de Dieu est pour tout le monde. C'est universel. Ça transcende les barrières de culture. Voilà. Donc, quel que soit le raisonnement que les gens vont amener à la culture, ils ne peuvent pas tenir debout. Alors, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul dit ici que je veux que vous regardiez le mot car. Parce que car, il a de vouloir soutenir le point de vue. Pourquoi on dit que la femme ne doit pas enseigner? Pourquoi on va dire qu'elle doit demeurer dans le silence? Il ne dit pas, parce que ce n'est pas les Éphésiens que Dieu a créés là-bas. Ce n'est pas les Éphésiens qui avaient fauté dans le jardin. Il amène le problème au commencement parce qu'il s'agit d'un problème de l'humanité. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc Adam est le représentant de tous les hommes, Ève est le représentant de toutes les femmes. Vous voyez cela? Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été complètement trompée. Stop! Vous avez vu ces enfants? Donc toute personne qui vient vous tourner la tête en vous disant que c'est un problème contextuel de Corinthe, dites-lui qu'il lui faut que le frère Junior a dit qu'il lui faut la délivrance. Il a dit que Adam, le premier, a été. Et vous aurez remarqué que même quand on parle dans 1 Corinthiens 11, finalement, après il va dire que l'homme est le chef de la femme, et après il revient encore au commencement. Car Adam a été créé le premier. Parce qu'il ne s'agit pas de l'histoire de Corinthiens, il s'agit du gouvernement des dieux. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, il dit que car Adam a été créé, ici, Adam, ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'était Ève lui-même qui a été trompé. Le frère Dimitri, lis-nous ça dans la version du second avant que Tim Joshua nous amène à la Watchtower ici. Allons ici. Quand Adam a été formé le premier. Reprenons encore à partir du verset 9. À partir du verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous avez entendu les femmes? Mm-hmm. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Vous avez la façon dont vous allez vous habiller, non? Vous parlez de bonnes œuvres, oui. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que sa profession, c'est qu'elle sert Dieu. Profession, ça veut dire que si tu confesses que tu sers Dieu, voici ce que Dieu attend de toi. Au lieu de te parer, de t'habiller comme ça, n'ayez pas ceci. Habillez-vous de bonnes œuvres. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi en clair? Je glisse un an avant de revenir. Ça suppose que convertissez les francs CFA que vous utilisez pour vos cheveux là. Convertissez ça dans la vie des enfants, dans la vie des orphelins. Donc, mesurez maintenant. Vous portez une mèche brésilienne. Ça coûte combien? Prenez désormais cet argent-là. Désormais, investissez dans les vies. Parce que la Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 7, qu'il ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui aura semé pour sa chair, héritera de sa chair la corruption. Mais celui qui aura semé pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu vas au salon de coiffure, tu dépenses 500 000 pour te faire belle. Tu as semé pour l'esprit ou pour la chair. Pointez les femmes là, pointez les femmes. Dis repentez-vous. Repentez-vous. Voilà. Continuons ici de toute façon. Allons-y. Que la femme écoute l'instruction en silence. Oui. Avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Vous entendez cela? Je vais malheureusement m'arrêter. C'est pour encore esquisser encore une autre désordre que les gens creusent. Après, qu'il y ait un autre groupe qui dit que non, c'est à cause des problèmes culturels. On a vu maintenant qu'il n'en est rien. La personne maintenant tourne encore, il dit que non. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit, parce que c'est lui qui dit, je ne permets pas. Comme l'apôtre Paul parle à la première personne. Mais la personne qui parle sur le mariage dans 1 Corinthiens 7, c'est toujours lui qui parle. Il dit, pour ce qui concerne les colonnes dont vous m'avez écrit, moi je pense qu'il est bon que l'homme n'ait pas touché des femmes. Mais pour éviter l'impudence, que chacun ait son mari et que l'homme ait sa femme. Tout ce qu'il écrit, c'est lui qui écrit. Mais c'est le Saint-Esprit qui écrit au travers de lui. Donc il n'y a pas de philosophie en disant que c'est lui que non, c'est l'apôtre Paul qui dit. Quand les gens disent que toute autorité vient de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Quand si nous parlons en langue, les dons spirituels, les diacres dans l'église et autres là-bas, les différents trucs des saints là-bas, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Point quelqu'un dit qu'il n'y a pas de philosophie contre la parole du Seigneur. Il n'y a pas de philosophie contre la parole. Ça ne tiendra pas. Aucun raisonnement ne peut tenir contre le Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'il lui me l'a dit que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'un homme. Il a déjà dit ça. Car je ne l'ai ni appris d'un homme, ni reçu par une école de théologie. Mais c'est par révélation. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit que reste ici, écrit telle chose. Pas vrai? Donc ça veut dire que celui qui va philosopher en disant que l'apôtre Paul dit il y a le je. Il n'a pas besoin. Parce que dans 1 Corinthiens 14, il a dit que si quelqu'un croit être prophète ou enseignant, inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens de vous écrire est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, qu'il l'ignore. Donc si tu ne connais pas, ne connais pas alors. Dans 1 Corinthiens 11, où on parle de voiles là, remarquez très attentivement la dernière fois, on s'arrive au verset 15. Verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude là. Non plus que les églises de Dieu. Donc si tu fais partie de l'église de Dieu, on ne discute pas ces choses là. C'est un ordre. Point final. On avance. Avançons, frère Dimitri. Quand Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Donc il nous a amené dans le commencement ici. Donc le problème se trouve au commencement. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable. En fait, dans le langage simple, pour que vous compreniez, c'est que mon grand frère André vous l'a dit ici que lorsque vous vous tournez vers le commencement, la personne qui a posé problème n'était pas Adam qui était mis au jardin le premier, c'était Ève qui a posé problème. Parce qu'ici, on a parlé des femmes. Vous voyez cela? Continuons. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Stoppons donc ici. Je veux que vous souligniez. Elle sera néanmoins sauvée en demeurant mère. Mais, fini la phrase. Si elle persévère avec modestie dans la foi. Si elle persévère dans la modestie, dans la foi. Dans la charité. Dans la charité. Et dans la sainteté. Dans la sainteté. Combien de choses on a exigé à cette femme-là? La modestie. Non, ça ne commence pas par là. L'amour. La première chose, c'est quoi? Devenant mère. Deux. Persévérer. Trois. Modestie. 4. La 5. Charité. 6. Amour. Entouré sainteté. Vous allez entourer sainteté, souligner le mot sauvé. Parce que c'est ici le problème dedans. Donc, la question maintenant qui se pose maintenant, c'est. la question qui se pose ici maintenant, c'est qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire ici? On sort de l'enseignement, de l'interdiction à l'enseignement. Il nous ramène au commencement, il dit, elle sera néanmoins sauvée. Puisqu'il dit que c'est Ève qui séduit, s'est trouvée coupable de l'iniquité, n'est-ce pas? Puis il dit, elle sera néanmoins sauvée. Alors, je pose la question, elle dont on parle ici, c'est qui? Vous êtes sûr? Relisez encore la phrase. Car elle sera néanmoins. Non. Car. Là, on commence par car. Car Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui séduit. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé le mot Ève. On a utilisé maintenant la femme. Donc la femme ici est référée à Ève. Oui. Qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Oui. Elle sera. Elle qui? Elle qui? Laquelle maintenant? Ève. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on peut entrer dans l'enseignement. Ça peut, il peut prendre 3 heures pour entrer dans ces choses, pour disséquer là maintenant. Il dit bien 3 heures pour répondre à cette question-ci. Alors maintenant, comme vous avez le verset déjà aidé, vous avez pris acte maintenant, je vous pose la question. Adam sera-t-il au paradis ou en enfer? Tous ceux qui disent que c'est au paradis, levez la main. Il n'y a pas de neutralité ici parce qu'il n'y a que 2 endroits. L'enfer ou le paradis. Ok donc. Il y a 4 personnes là, 5 personnes, 6 qui disent qu'il sera au paradis. Ceux qui croient que Adam sera en enfer, levez le doigt. Ah. Donc tous les gens, si vous ne connaissez rien, vous ne savez pas si oui ou non, il sera où. Bon, ceux qui sont nés, baisse le doigt, c'est la soeur là qui croit qu'il sera en enfer. Maintenant, ceux qui sont neutres, levez le doigt. Il y a des gens qui sont ni neutres, qui sont plus con. Hein? Toi, tu es dans quel coin, calme, ma soeur? Neutre. Ok, ceux qui sont neutres, levez le doigt. Donc, ils ne savent pas si Adam sera au paradis ou sera en enfer, c'est ça? Il veut que celle qui a levé le doigt, dis-nous pourquoi Adam sera en enfer. Il sera en enfer parce qu'il a péché au travers de Ève. Il a péché au travers de Ève. Bon, Ève sera où? Elle? Elle, oui, Ève. Elle sera où? En enfer. Bon, mais la Bible dit ici qu'elle sera sauvée. Oui, elle sera sauvée à cause... Parce qu'elle deviendra, si elle devient mère. Non, c'est accompli, elle est devenue mère. Parce que nous sommes ses enfants. Oui, elle sera sauvée. Donc ça veut dire que finalement, Adam sera en enfer, Ève au paradis. Au paradis. Ok, c'est très bien ça. Maintenant, qui a commis le péché? C'est Ève. Et tu envoies qui en enfer? La Bible déclare clairement ici que ce n'est pas Adam qui a péché. C'est Ève qui a péché. Tu dis que, ok, dans ta sanction, si tu es juste, tu crois que si la sœur, si on le trouve en jugement, qu'elle est juste, c'est que vous avez choix, vous avez quoi à faire. Elle va condamner quoi, le coupable, l'innocent, elle va le relâcher, le coupable. Donc, sur quelle base tu dis, par exemple, je vais revenir vers vous qui avez dit que Adam lui sera au paradis. Parce que je pose la question, même si je dis c'est au paradis, je vous pose la question, vous êtes en enfer, vous n'esquivez pas. Donc, tu dis donc finalement, sur quelle base tu dis donc que Adam sera en enfer? En fait, moi j'ai dit ça, c'est parce que je me dis que comme il a participé au mal de Ève, oui. Dieu le sanctionne. En fait. Oui. C'est comme quand on a discuté tout à l'heure, vous disiez que s'il y a une mauvaise chose qui se passe au niveau, vous ne devez pas accepter. Si vous participez, oui. Vous participez passivement. Oui. Donc, vous considérez comme le bandit. Oui, mais avec, en vous considérant, il faut d'abord qu'il y ait un bandit, parce que tu as participé. Le bandit, on fait quoi de lui alors? Donc, Ève sera où? Non, laissez-la parler. Elle sera où? À l'origine, on dit Ève doit être sanctionnée. Oui. Mais l'apôtre dit, elle sera néanmoins sauvée. Oui. En devenant mère. Elle est devenue mère, non? Certaines conditions. Oui, en devenant mère. Donc, elle est devenue mère, non? Oui. Maintenant, bon, finalement, en clair, on peut donc dire qu'elle est sauvée. Oui. Ben, dans ce cas, ça veut dire que c'est en devenant mère qu'on est épargné de l'enfer. C'est que toutes les filles qui ont forniqué là n'iront jamais en enfer, pas vrai? Non. En devenant mère, en persévérant avec modestie dans la foi, oui. Dans l'amour, oui. Dans la sainteté. Voilà. C'est-à-dire quoi en juste, au juste? Écoutez très attentivement maintenant et que la correction arrive maintenant dans le monde entier par rapport à ces versets. Maintenant, je pose, avant d'arriver avec la correction, vous qui avez levé les mains ici en Sanhédrin, là, vous qui assis devant là, dites-moi, pourquoi vous dites que Adam, lui, sera au paradis? Qui lève la main maintenant et défend le groupe? Oui, mon frère Fulbert. Mais ça ne vient pas, parce qu'en disant ici que ce n'est pas lui qui a commis l'acte. Oui. C'est la femme qui a commis l'acte. Oui. Donc, il est Il est exempt. Donc Adam n'a jamais, péché. Mais la Bible déclare, c'est pour se dire dans Romains que tous nous sommes, nous avons péché, héritant le péché d'Adam. Ce n'est pas Adam qui a fait, qui a commis l'acte. Lui dit dans 1 Corinthiens que le premier homme, comme nous avons revêtu la nature du premier homme, nous revêtons aussi de la nature du second. De même que tous meurent en Adam. Il dit, il n'a pas dit tous meurent en Ève. N'est-ce pas? On dit de même comme par un seul homme, le péché a fait entrer le, la mort dans le monde. On ne dit pas que c'est Adam, c'est Ève qui avait péché. On dit par le premier homme. Là maintenant, on dit clairement que c'est l'homme qui a fait péché, on voit le péché. Donc il pose la question, pourquoi, dites-moi sur une, par une base biblique, pourquoi Adam doit se retrouver au paradis? Oui mon cher. Bon, moi je pense que Adam doit se retrouver au paradis parce que si déjà Dieu pardonne les péchés de Ève, oui. C'est-à-dire en devenant mère, en persévérant, avec modestie, dans la foi et dans la sainteté, je pense qu'il est aussi de même avec Adam. Puisqu'elle devait mettre avec le père Adam. Ça c'est évident, n'est-ce pas? Puisque faire la même chose. Non, il va faire la même chose avec qui? Avec elle, forcément, puisque quand Adam, Ève est mère, lui il est père. Vous allez me tuer sur la tête ici. Alors, oui, mais prenons là-bas. En fait, lorsque je lis un peu dans la Genèse, oui. Ève, en fait, elle a accepté le péché qu'elle avait eu à commettre. Oui. Mais par contre, Adam avait dit au Seigneur que la femme, si que tu as... Il a accusé plutôt Dieu. La femme, si que tu as mis à mes côtés. Et je pense que selon les directives maintenant, oui, qui sont données à la femme, oui, si elle marche selon maintenant, oui, ces directives, moi je pense que quelque part, je peux appeler ça, elle est rachetée. Oui, bon, laissons elle particulièrement, c'est l'homme d'abord, parce qu'il y a rien sur la femme. Adam, pourquoi il doit être au paradis? Parce que vous avez levé le doigt aujourd'hui, qui sera au paradis? Qu'est-ce qu'il envoie au paradis? Parce que celui qui a, le premier qu'on vit ici, c'est eux qui nous ont causé ça, non? Pourquoi il sera au paradis? Parce qu'il est fils de Dieu. Parce que si Dieu est capable de pardonner, est-ce que c'est capable de pardonner? Lui a-t-il pardonné? Oui. Il a pardonné à Adam. Tu peux nous montrer où il a pardonné? Oui, mon cher, ici. Tu ne crois pas l'Ancien Testament? Oui, mon frère. Bon, il vous pose la question. Quand l'homme a péché, n'est-ce pas? Quand Dieu est venu avec la sanction, à l'issue de la sanction qu'il a donnée aux uns et aux autres, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés. Vraiment? Non. Il a fait les habits un peu. En faisant quoi? Il les a. Il a caché les habits avec les peaux de bête. Il avait les machines à coudre. Dieu avait les machines à coudre, frère. Quand il a tué un animal innocent, c'est pour faire quoi pour les autres? Donc Dieu les a pardonnés. Dieu les a pardonnés. La Bible déclare que Dieu les a pardonnés. C'est à cause du pardon. Donc le péché est pardonné à cause du sang qui est versé. C'est uniquement à cause de cela, n'est-ce pas? C'est là où je voulais vous amener. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on est sauvé depuis la Genèse? Par le pardon de nos péchés. Et si ce n'est pas le pardon de nos péchés, il faut qu'un sang soit versé. Le sang, on a vu clairement que le type a été présenté là-bas que pour que quelqu'un soit pardonné de ses péchés, il faut qu'un innocent porte ses péchés. C'est ça présenté dans la Genèse. Parce que l'animal n'avait rien fait. Donc l'animal a été un type de Jésus qui n'avait rien fait. Et le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous et nous tous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Adam et Ève ont été pardonnés. Voilà. Maintenant, s'ils ont été pardonnés, ça suppose qu'ils sont sauvés. N'est-ce pas? Mais quand Dieu les sauve, ici l'apôtre Paul dit qu'elle sera néanmoins sauvée. Bon, le verbe là, entourer le verbe, parce qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul est en train d'entrer dans elle pour s'adresser à toutes les femmes, justement. Il dit bien souligner bien le. Pour entourer, faites ce que vous pouvez faire avec le verbe là, sera là. Maintenant, j'arrive là-dessus. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Bon, maintenant. On y va maintenant. Écoutez très attentivement. L'apôtre Paul dit ici, et sachant que Ève était déjà sauvée, il dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle, vous voyez cela, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est sauvé en accouchant l'enfant? Non. Est-ce qu'il y a un verset biblique pour dire, pour être sauvé, il faut accoucher l'enfant? Non. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul ne parle pas du salut. Vous comprenez ça? Il ne parle pas du salut qu'on dit que non, maintenant je partais en enfer, maintenant Dieu m'emmène au paradis. Ce n'est pas ça dont il en a parlé dans ce passage-ci. Parce que Ève est déjà sauvée. Donc il en est, souvenez-vous de garder toujours à l'esprit, qu'il quitte de l'enseignement, le premier enseignement. Il rentre au commencement que quelque chose posait le problème. Quelque chose posait le problème dès le départ. Et il dit maintenant les nouvelles directives que Dieu a données à la femme pour rester dans le silence, c'est en gardant son foyer, en s'occupant, en devenant mère. Ce n'est pas l'enfant dont on en a parlé. En devenant femme au foyer, en persévérant dans cette voie-là, dans l'intimité, la soumission, en gardant cela dans la sainteté. C'est ça qui consiste le message de la femme. Donc le message de la sanctification de la femme, la vie de la femme, ça se trouve en plein là-dedans. Titre chapitre 2, ouvrez, ouvrez. Puisqu'on est dans 1 Timothée, ouvrez Titre chapitre 2. Écoutez très attentivement maintenant. Vous allez voir l'apôtre Paul dit la même chose maintenant autrement. Et je dis bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la correction vienne. Il ne savait pas dire que non, comme la femme accouche, ce n'est pas ça donc l'apôtre Paul est en train de parler. Il n'est pas en train de parler d'être sauvé en étant épargné de l'enfer ici. Ce n'est pas ça qu'on est en train de parler. Il est en train de parler des nouvelles directives qui est donné à la femme maintenant, la modération et son ministère qu'il est en train de donner à l'issue de la chute de Genèse, là où Dieu attend la femme. D'accord? C'est ça dont il est en train de parler ici dans ce livre de 1 Timothée 2, 12, 13. Bon, maintenant, écoutez très attentivement. Titre chapitre 2. Je veux que tu me lises le verset 3 jusqu'à 5, jusqu'à ce qu'il te dise stop. Écoutez très attentivement maintenant. Allons-y. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? N'être ni médisante, ni à donner aux veuves. 2. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Oui. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Oui. Bonnes, soumises à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Soulignez ce bout de phrase là. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire que si la femme quitte ce poste-ci, à cet instant-là, la parole de Dieu est blasphémée. La même chose que s'est passée dans la Genèse se passera. Voilà pourquoi il envoie là-dedans. Et donc, en devenant mère, ça veut dire que la femme est épargnée. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut parler là maintenant? Écoutez très attentivement. La femme. Si elle demeure dans le silence, elle est épargnée. Vous avez vu, vous êtes demandé d'entourer, sauver aujourd'hui dans l'antique, dans l'U de. Vous appelez dans l'U de 1 Timothée chapitre 2. D'accord? Allez au-dessus des sauvés là. Mettez épargné là-bas. Écrivez épargné. Mon frère, monsieur, écrit dans la version témoin de Jéhovah, ça ne change rien. Donc laisse ça comme ça. C'est déjà faux, pas vrai? Quand c'est faux, on brûle. Ok. Donc, quand on va finir maintenant, on va rentrer dans 1 Timothée 2, là, on va relire cette phrase là. D'accord? Allez, écoutez très attentivement. Parce que le problème qui est situé dans ce verset, c'est le problème qu'on a mis sauvé là-bas. Quand vous voyez sauvé, vous croyez peut-être que c'est par rapport au salut que la personne. Parce que cette personne, si elle est sauvée, elle est déjà délivrée de la puissance du péché. Donc la personne épargnée se trouve dans le corps maintenant. Le peuple utilise, il dit, mais elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Devenant mère, ça ne veut pas dire en donnant l'enfant, non. C'est le ministère dans lequel Dieu l'oriente. Que c'est là où Dieu l'attend pour qu'elle soit tranquille là-bas. Elle sera épargnée de la chute antécédente qu'elle avait fait en chutant la parole, en venant prendre la parole qui n'est pas leur. Ce n'est pas sa place là-bas. Elle sera épargnée. Donc si elle reste à la maison, elle sera épargnée. C'est épargnée le mot. C'est ainsi par le Seigneur. C'est épargnée. Elle sera épargnée. Donc les ennuis qu'elle a eu dès le départ, elle sera épargnée de ses ennuis. Elle sera gardée de ses ennuis, préservée de ses ennuis. C'est pour ça que la Bible déclare quitte cette bonne que Dieu lui a donnée. La parole de Dieu sera blasphémé. Vous avez entendu maintenant, n'est-ce pas? Relisez maintenant 1 Timothée 2, le verset 4. Et là où il y a épargné ou quoi que vous avez écrit là-dessus, maintenant, lis en utilisant épargné. Allons-y. Elle sera néanmoins épargnée. Commence par car. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Oui. Elle sera néanmoins épargnée en devenant mère. Vous voyez, femme au foyer. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est exactement ce qu'il a dit dans le titre en détaillant. Exactement. Donc il ne s'agit pas de dire que comme Ève a accouché, ici elle a eu des enfants, maintenant ça a été épargné. Si c'est comme ça, c'est que tous les sorciers qui accouchent sont épargnés. Ce n'est pas une seule question. Donc Dieu en est orienté. Il dit en résumé, écoutez très attentivement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'accord? Voici le pourquoi je ne lui permets pas d'enseigner. Parce qu'en réalité, à l'origine, elle a quitté son poste. Alors, quand elle a quitté son poste, Dieu lui a assigné cet autre poste. Voici ta tâche désormais pour te pousser à fermer ta soupape, ton tir de chauffement. Pour que vous ne reveniez plus que la parole de Dieu cause les mêmes ennuis qu'elle a eu dès le départ. Voilà donc votre correction. C'est de ça dont il est question dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Oui, ma chère. Bonne question. La chasteté pose un problème particulièrement dans le domaine sexuel. Alors que la sanctification touche tous les domaines. Ça peut toucher ta pensée, ça ne peut pas toucher même pas le domaine sexuel. Touche à la sainteté que tu puisses avoir. Donc la sainteté, la chasteté est une portion de la sainteté. D'accord? Frère Junior, vraiment, vous allez m'excuser. Et t'excuse, ma soeur. Je suis obligée de toujours lever la main. Oui. Par rapport aux enseignements qu'on nous donne. Oui. Et de dire que Dieu est bon et Dieu nous aime. Et il est fidèle. Oui. Pourquoi? Parce que je vais revenir, j'en ai discuté avec monsieur hier parce que je voulais poser. En fait, ce n'est même pas des questions. En fait, je le dis. Oui. C'est en fait des témoignages par rapport à la parole que vous donnez. C'est pourquoi je dis vraiment Dieu est bon. Amen. Je suis très élu. Nous sommes dans la dénomination où nous étions. Et c'est comme ça comment le pasteur se lève un matin, il décide faire l'école de... Du dimanche. L'école biblique. Oui, wonderful. Où on doit apprendre maintenant les gens à prêcher. Oui. Et nous sommes sélectionnés. C'est grave ici, hein, Gabon. Nous sommes sélectionnés parmi... On était au nombre, je pense, de près de 30 ou 32 personnes. Oui. En fait, je dis ça, je témoigne pourquoi. Parce que je suis dépassée, quoi. Et c'est comme ça, il y a des hommes, il y a des femmes. Ils sont tous pris pour... Et on commence l'école du ministère. Oui. Au premier jour, au deuxième jour, parce que toutes les fois qu'on faisait, il y avait des manifestations, par exemple dans l'église, on priait d'abord à la maison. Et je m'accorde avec monsieur, nous nous mettons à prier pour recommander cela entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça, comment, parce que moi je suis, c'est vrai, je lis la Bible, mais je suis vraiment émue par rapport à toutes ces explications que vous nous donnez, parce que moi je vis ça dans la réalité, avec mon époux. Et c'est comme ça comment, je vais dormir. Quand je dors, je me retrouve dans la salle où sont toutes les personnes que... On a sélectionné. On a sélectionné pour l'école du ministère. Et curieusement... Je vois une dame qui vient, elle m'enlève du lot. Elle me dit, viens, toi, on ne t'a pas appelé pour ça. Et elle m'amène à côté. Oui. Et elle me dit, moi, je t'ai choisi pour le secret. Oui. C'est ce qu'elle m'avait dit. Amen. Elle dit, je t'ai choisi pour le secret. En fait, comme j'étais dans le département intercession, oui. Pourquoi je témoigne? Parce que c'est maintenant que je comprends. Au départ, je ne comprenais pas. Et comme j'étais dans le département intercession, lorsque je sors de la vision, puisqu'on a toujours partagé avec monsieur à deux, c'est que je dis, ah, je ne sais pas ce que le Seigneur veut me dire. Mais j'ai rêvé, on était le nombre de personnes qu'on a choisies. Mais une dame est venue, elle me dit, elle m'a enlevé du lot. Et elle me dit que toi, je t'ai choisi, on t'a choisi pour le secret. Oui. Est-ce que peut-être que mon poste est à l'intercession? Donc, je dis ça à mon époux. Et puis, on continue. Lorsque nous continuons... Et jusqu'à malgré cela, tu continues à aller faire les cours, là? Oui, malgré le rêve, là. Parce que je n'avais vraiment pas l'explication. Le discernement et l'explication de ce que j'avais vu. Et je continue à faire les cours. En fait, on fait tout le monde. Et il est arrivé à la troisième ou quatrième semaine, un mois, je pense, on a commencé à faire passer les gens pour le prêcher. Au milieu de l'assemblée, non? On dit au juste milieu maintenant de l'assemblée. Et c'est même monsieur qui avait ouvert les hostilités. Oui. Ils ont commencé par monsieur. Ils ont pris. On passait par semaine. Et cette personne-là commençait même déjà à prêcher les dimanches dans les dénominations. C'est terrible. Et c'est comme ça qu'on a dit, restait quatre personnes qui devaient prêcher. Ce qui est curieux, les quatre personnes, on arrive et le pasteur pose la question que combien de personnes ne sont pas encore passées. Donc, je me lève avec les trois autres. Mais Dieu est merveilleux et il est bon. Et c'est comme ça comment le pasteur lui-même, là où il est sur le strat, dit, madame Afouaga, asseyez-vous, vous êtes déjà passé. Tu dis, ah. Je dis, mais comment ça? Jésus, on en a même partagé avec le frère Fulbert. Je dis, mais comment je suis passé? Donc, je résiste. Je suis là debout. Il dit, je vais sauf enseigner ici. Il dit, je dis, assieds-toi, tu es déjà passé. Je dis, je ne suis ni passé à l'autre église, oui, ni passer à l'autre. Oui. Il dit assieds-toi. Oh. Au même moment, monsieur m'a appuyé. Que bon, assieds-toi aussi. Il dit assieds-toi. Ne cherche pas le problème ici. Et je me suis assise. Mais tu n'étais pas content. Bon, non. Je suis dépassée. Donc c'est au moment où je m'assois, où je vois la vision revenir. Mais toujours sans explication. Je viens, je partage même aux autres et tout. Mais par contre, c'est là maintenant où le Seigneur m'ouvre les yeux par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer. J'ai compris. Et depuis ce jour, tout le reste est passé. Oui. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les femmes continuaient à prêcher. Tout ce que je faisais, c'était les directions des prières. Oui. Les femmes continuent à prêcher. Je ne suis jamais passée jusqu'au jour où j'ai quitté l'église. Et tu ne sais pas ce qui t'est arrivé avant que je ne prêche pas. Bon, en fait... Mais tu vois que tu as été mise à part, non? En fait, je n'avais pas les explications. Mais ça me pose à vous poser une question. La Bible que nous avons là, que tu as là maintenant, c'est la même Bible que tu avais depuis. Oui. Oh. Vous lisiez ça là-bas, hein? Oui, je la lis. Bon, je la lis. Il y a des choses que je mets en pratique lorsque je vois rencontre dans la Bible. Oui. Il y a des choses que je mets en pratique. Par exemple, les prêts avec intérêt. Oui. Je n'ai pas été enseigné. Oui. Tu as lu ça ce moment. Mais par obéissance, moi, quand je lis dans la parole et que quand ça me touche, j'arrête. Oui. Seul comme ça. Oui, pour le sujet, si particulièrement de l'enseignement de la femme là, vous n'avez personne dans votre milieu là n'avait jamais vu cela ni lu. Non, mais par contre, on nous enseigne, si déjà les femmes prêchent, oui, c'est comme le frère qui était là dimanche disait que dans nos assemblées ici au Gabon, pratiquement toutes les femmes prêchent. Voici mon problème, parce qu'il ne sait pas, il ne passe dans ce milieu. Comment il rentre quand cette femme-là prend le verset, la Bible, elle se tient là-bas, elle voit, je n'ai pas eu par la femme d'enseigner. Je vais m'aimer savoir si elle entend plutôt que je te dis clairement de pécher. Non, mais moi, le problème, frère Junior, c'est qu'on ne touche plus assez. On esquive ça. Oui, on esquive. Okay. Mais par contre, moi maintenant, je suis convaincu par rapport maintenant à ce que le Seigneur, par exemple, ce que j'avais vu, je me suis dit, oh, par exemple, là où vous expliquez, c'est en ce moment que je comprends que le Seigneur n'a pas empêché, pas dans ma marche avec lui, n'a pas voulu peut-être que tu entres dans cette chose-là. Parce que c'est un péché. Absolument. C'est une désobéissance du commandement. Absolument. Comment nous avons péché Absolument. En étant dans cette dénomination-là. Absolument. Mais je suis ému parce que je rends grâce à Dieu qu'il ait fait toutes choses même sans que pour te préserver. Voilà, sans que je ne sache. Que Dieu te bénisse. On n'a plus jamais prêché sur ces versets-là que la femme ne peut pas passer sur l'estrade. Oui. Plus que la femme passe. Mais moi, maintenant, c'est terrible, la décision, je vois cela, et que c'est le pasteur lui-même dont je me dis que gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est Dieu qui va certainement toucher le pasteur. Oui. Et je suis même debout, mais il me dit, assieds-toi. À toi le prix. Et maintenant, c'est quand vous nous donnez les enseignements là, que je comprends. Que Dieu te mettait à part. Parle-nous, ma chère. Même toi, tu as prêché aussi. Tu ne prêchais pas. J'ai prêché. Ah ah, tu vas nous dire donc où tu avais entendu. Ça me fait très mal. Oui. Parce que, comme vous avez parlé, c'est là que la Bible ne sait pas un auto que quand tu te lèves le matin, tu ouvres, tu dis au Seigneur que parle-moi ce matin. Tu fais wap, tu ouvres. Tu ouvres. Un matin, je me suis réveillée dans ma chambre. J'ouvre ici là, j'ai lu. Tu as lu ce verset-ci? Oui. Ça t'a fait mal? Ah. Comment ça peut-il se faire dans notre église? Les femmes se lèvent pour prêcher. Je suis partie. Donc, tu étais tombée sur ce verset-là? Moi-même. Je suis partie, j'ai expliqué ça à mes soeurs. La parole de Dieu dit dans Timothée que la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas se lever dans l'église pour enseigner. La sœur m'avait répondu. C'est la question là que j'avais même posée hier, que le Saint-Esprit verse le Saint-Esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Oui. Mais est-ce que c'est seulement que Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes et il n'a pas donné aux femmes? C'est ça laquelle? La sœur m'avait répondu que là où tu es là... Elle t'a posé la question, est-ce que Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes sans de leur femme? Oui, c'est ça là que... Et quand elle a dit comme ça, quand tu as pensé quoi? Peut-être la raison. Ma sœur, regarde, elle me dit, tu as le Saint-Esprit, ça signifie que ce n'est pas le Saint-Esprit de ton mari qui va t'amener au ciel, c'est pour toi-même. Et là, comment il a expliqué? On a dit ici que je ne permets pas à la femme d'enseigner. On parle de qui ici? De la femme. Et on parle à qui? Au milieu de l'église, non? Oui. Donc, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu, non? Oui. Donc, on dit, regarde bien. La Bible dit, je veux que vous compreniez maintenant. La femme qui a le Saint-Esprit ne se change pas. Elle est toujours la femme. Les mêmes, toutes les mandarines et autres, les ananas qu'elles ont là-bas, elles ont toujours ça. Pointe quelqu'un, tu dis que le Saint-Esprit ne change pas de sexe de quelqu'un. Voilà. Le Saint-Esprit distribue le rôle et la place de chacun. Le Saint-Esprit distribue le rôle de chacun. Voilà. Et le Saint-Esprit dit donc que la femme se taise. Le Saint-Esprit dit que la femme se taise. Que la femme, il lui est interdit d'enseigner. Il lui est interdit d'enseigner. Donc ça part du Saint-Esprit, donc il dit silence. Ça part du Saint-Esprit, il dit silence. Voilà. Donc dans Actes chapitre 2, il dit au jour, au dernier jour, je verserai mon esprit sur mes serviteurs. Vos fils, on est bien dit, on a dit vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit vos filles enseigneront. L'enseignement est différent de prophétie. Dans ces actes des apôtres, on voit quatre filles vierges qui prophétisaient. Dans ces actes des apôtres, on a vu effectivement comment même Marie, la mère de Jésus, Marie, Marie de Magdala, toutes les autres femmes, elles étaient dans la chambre où le Saint-Esprit descendait sur chaque personne. Mais aucune des personnes sur qui le Saint-Esprit descendait n'est allée enseigner. Tu as compris? Voilà. Et il dit même comme dans toutes les églises, c'est-à-dire que ce n'est pas l'apôtre pour qu'il enseigne ça. Et Timothée a ouvert 1 Corinthiens chapitre 4. Vous savez quoi? Les gens m'amusent seulement parce que quand vous lisez, c'est dit que non, c'était à Éphèse. Et ici, c'était à Corinthiens. On va voir ce que l'apôtre Paul dit. Que non, c'était le problème ici. C'était le problème ici. On peut t'en sortir comme ça. 1 Corinthiens chapitre 4. Bonsoir Libreville. Bonsoir Frère Mio. Ne vous fâchez pas, d'accord, frère et soeur. Ne vous fâchez pas. Bon, maintenant, lis le verset 17, mon cher frère. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Oui. Qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Oui. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Oui. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Vous avez entendu comment dire, non? Donc, ce que l'apôtre Paul enseigne là. Il dit que Timothée, comme il vient chez vous à Corinthiens, au Corinthiens, il va vous dire la façon dont j'enseigne dans toutes les églises. Donc quand il écrit au Corinthiens, ce que Timothée va réitérer là-bas, c'est ce que l'apôtre Paul dit quelque part. C'est pour ça qu'en Timothée, ici à Timothée, là, le livre 1 Timothée chapitre 2, Timothée se trouvait à ce moment à Éphèse. Et ici, il se trouve, il dit qu'il envoie comme ça Timothée. Ça, c'est à Corinthe. La même chose qui prospère à Corinthe, la même chose dans l'esprit à Éphèse. Vous comprenez cela? Maintenant, écoutez maintenant chapitre 16, c'est le même livre, chapitre 16. Chapitre 16 de 1 Corinthiens. Donc, vous voyez, quand quelqu'un va vous la philosophie, que non, ça c'était au Corinthien. Ça c'était ici, il ne sait même pas ce qu'il a dit. Parce que quand l'apôtre Paul ne peut pas venir ici à Libreville, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Puis pas à quoi? À France, il dit que non, vous pouvez enseigner. Parce que ce n'est pas son ordre à lui. Parce que un ordre, quand il y a un commandement sur la terre, c'est pour tout le monde. Quand c'est pour l'église, ça concerne toute l'église. Parce que c'est pour ça, 1 Corinthiens 14 dit que comme dans toutes les églises des saints. Vous voyez, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 16, lis le verset 1 là. Allons-y. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, oui. Agissez vous aussi oui. Comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Stop. Vous voyez, il dit, pour ce qui concerne, nous sommes au chapitre 16, verset 1 de Corinthiens, 1 Corinthiens. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. Vous, ici, mis pour les Corinthiens. Que les Corinthiens doivent agir la manière qu'il a ordonné aux églises de la Galatie. Vous voyez, la Galatie, c'est une grande région, comme un État. Et il dit que, comme je viens de vous dire là, c'est la même chose qu'il a dit là-bas. Où est le renseignement? S'il ne nous a pas dit ça, c'est qu'on n'a pas savoir qu'il avait donné un ordre aux églises de la Galatie. Et donc l'apôtre Paul enseigne la même chose partout. Et donc il dit ici dans 1 Corinthiens 4 que pour cela j'ai envoyé, donc pour, à cause de cela qu'il a envoyé Timothée, comme vous avez des désordres là-bas, pour que vous enseigne la manière dont j'enseigne dans toutes les églises. Parce qu'à Timothée, il avait déjà dit à Timothée que dis-leur que les femmes doivent se taire. Et pour aux Corinthiens, comme il bavarde là-bas, dis-leur aussi qu'ils doivent se taire. C'est comme ça dans toutes les églises du Saint. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà. Vous êtes fatigué? Non. Alors, souvenez-vous de ceci. La parole de Dieu est claire pour celui qui veut marcher dans la lumière. Si quelqu'un veut philosopher en prenant n'importe quel raisonnement humain, ça ne peut pas tenir contre les Écritures. Jamais. Ça peut tenir ou peut convaincre les gens avec ce petit raisonnement. Mais quand l'Écriture viendra, tout mur, tout raisonnement, toute pensée captive va venir à l'obéissance du Seigneur. Des questions, posez les questions. Oui, moi j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre l'homme animal et l'homme charnel. L'homme animal, c'est l'homme charnel, frère. L'homme animal, c'est l'homme charnel. C'est une autre appellation de cela. Oui, mon cher, ici. À haute voix, frère. À haute voix. Il a parlé sur ma voix, mais fini ici. Oui. J'ai une question sur le livre de 1 Timothée, au chapitre 5, verset 22. Oui. Il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Oui. Et ne participe pas au péché d'autrui. Oui. Toi-même, conserve-toi pur. Amen. En fait, je ne comprends pas bien le verset. Ok, on va lire. Tu as lu le verset 22. Qu'est-ce qui a laissé passer? Il a donné quelle instruction ici au chapitre 22, particulièrement à partir du verset 18. Lis à partir du verset 18 en descendant. Lis-nous ça, mon frère, avant que comment. Quand l'Écriture dit, tu n'emmiseleras point le bœuf quand il foule le grain. Oui. Et l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. À partir d'ici maintenant, il faut faire attention. Allons-y. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. Oui. Si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Oui. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Stop. Vous voyez, quand tu as pris en bas, tu ne sais pas qu'on a dit quelque chose en haut. Les choses dont on a donné l'instruction, c'est contenu en haut. Vous voyez, les anciens, ce sont ceux qui sont les dirigeants, qui sont les conducteurs de l'assemblée. Quand ils sont les conducteurs, ils disent, il y a une façon que Dieu a ordonné pour le cas des anciens, comment on doit résoudre le problème. Ce n'est pas n'importe qui va se passer. Si on veut me dire que telle personne à l'église de Libreville a fait telle ou telle chose, qui est un ancien, sur toi seul, ton accusation n'est pas suffisante. On dit qu'il faut pour qu'il y ait une confirmation de ces choses, il faut que deux ou trois personnes disent la même chose de toi que tu as posé problème en tant qu'ancien. Vous voyez? Puis maintenant, il dit, si la chose est vraie, ceux qui pêchent, donc ceux qui sont coupables dans ce domaine-là, il reprend leur devant tous. Pas seulement, on parle devant l'assemblée. Il a dit devant tous, donc devant tous les autres anciens, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, pour que les autres anciens ne fassent pas comme cela. Vous cessez, n'est-ce pas? N'est-ce pas si vous comprenez? Oui. Voilà, on n'a pas dit qu'on reprend l'ancien devant l'assemblée. Ce n'est pas devant l'assemblée. Ça veut dire que les dirigeants qui dirigent, si Timothée se rend compte qu'il y a telle personne qui a accusé de telles choses et que deux personnes ont déjà accusé ces personnes, c'est qu'il y a une véracité dans ce que ça veut dire. Il dit, ok, ne corrige pas ces personnes-là en secret. Vous cessez, n'est-ce pas? Il faut réunir les anciens. Dis-le que telle personne a fait telle chose. Et ce n'est pas bon, il faut le reprendre devant tout cela. Pour que ceux-là savent que s'ils font la même chose, on va faire aussi comme ça. D'accord? Continue. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et oui. De ne rien faire par faveur. Donc, ça veut dire que parmi les anciens, il ne faut pas dire non, telle personne n'est ma personne. Fais ça droitement. Donc, si tu pêches, je te dis que tu as péché, frère, repends-toi. Mais devant les autres, c'est continué. N'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation. Oui. Et ne participe pas au péché d'autrui. Donc quelqu'un peut venir là-bas, d'après les anciens, dire, oh, j'ai tel problème. C'est pour cela que la Bible déclare, par exemple, en disant dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 27, quand on parle de la Sainte Seine, il dit que quand les gens mangent la Sainte Seine, ils parlent de tout des démons. C'est pour ça qu'il y a parmi vous des démons, des infimes, et beaucoup de personnes sont mortes. Oh, c'est quelqu'un qui va porter le péché comme ça au milieu de l'assemblée. Il vient, il dit, oh mon frère, pardon, prie pour moi. Tu dis, oh Seigneur, aïe. Tu ne sais pas ce qui a amené ces péchés. Tu fais ça, tu prends tes péchés. Vous comprenez cela? Voilà. Dieu merci qu'il a désadressé aux anciens ici. Là, qu'il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui l'a désadressé. Parce que les anciens qui dirigent doivent avoir le discernement. Il y a bien le discernement. Et voilà, je souhaitais prendre beaucoup de temps pour vous parler de ces choses-là. Oui, mais de toute façon, quand on va venir, Dieu voulant, on a des choses. Quand vous allez acquérir les baies à Bassi, on va entrer dans l'autre dimension de ces choses pour vous enseigner cela. Donc, il dit aux anciens et aux dirigeants maintenant de ne pas imposer le même n'importe qui. Ah, frère Junior, j'ai mal au bas-ventre, tu le regardes. J'ai mal au bas-ventre. Qu'est-ce qui a amené le bas-ventre qui fait mal? Elle va te dire, tu vois, elle va gratter la tête. Je ne sais pas, mais elle sait. Elle ment. D'autre part, quelque chose s'est passé alors qu'elle a avorté. Elle ne viendra jamais dire qu'elle a avorté. Donc, c'est cela qui a impliqué ceci. Mais elle va tourner là-bas en faisant comme Marie de Nazareth. Alors que c'est ce qui a causé comme problème. Oui, ma chère. Je voulais savoir. Ah, autre, ma soeur, parle à vous, ne t'inquiète pas. Lorsqu'on est déjà chrétien. Oui. Et qu'on a, par exemple, dans les rêves. Oui. comment on peut être sûr que c'est Dieu qui nous parle ou ce n'est pas Dieu? Bon, maintenant, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Je suis chrétien. Ah, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Il y a un enseignement concernant les songes. Cet enseignement traite des songes et la prière pour couper tous les liens qui viennent de l'ennemi dans les songes. Trouvez cet enseignement et écoutez-y. Mais lisons Actes chapitre 2. Le fameux verset dont notre ancienne enseignante nous a donné ici par révélation. Chapitre 2, verset 14 à 17. Allons-y, mon cher. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces choses ne sont pas ivres. Oui, ces gens, oui. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Oui. Car c'est la troisième heure du jour. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, oui, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions. Oui. Et vos vieillards auront des songes. Stoppons là-bas. Dieu a dit que les songes vont venir de qui? Là-bas, Dieu a dit que les songes vont venir de qui? Wonderful. Vous lisez la Bible, non? Je n'ai pas dit que les songes vont venir à qui? Il a dit que les songes vont venir de qui? Donc, qui est l'initiateur de ces songes? Dieu. Il a promis. Et tu me poses la question. On est déjà chrétien. On a la révélation dans la nuit. Comment savoir si ça vient de Dieu? Dieu a promis qu'il va donner. La Bible déclare dans Job chapitre 33, verset 14, que Dieu parle à ses parents tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est livré au sommeil, Dieu y met son sol, il met des révélations dans son esprit. Dieu a promis cela. Mais parce que j'aime ta question, parce que tu as dit que quand on est déjà chrétien, le songe doit venir de Dieu. Parce qu'il a promis cela. Oui, mon cher. Le problème aussi, c'est de savoir si on a été chrétien. C'est pour ça qu'il dit que je réponds à sa question. Il a dit qu'on est chrétien. Je m'en tiens à là. Parce que les chrétiens ne reçoivent pas le songe de l'ennemi. Donc, en fait, si c'est pour mener un défi chrétien, il y a un enseignement dont le titre c'est comment es-tu devenu chrétien? Il faut répondre à cette question-là. Ou mieux encore, plus simplement, qui est-ce qu'on appelle, la Bible appelle chrétien? Il faut écouter tous ces enseignements-là. Au fur et à mesure, ça va, quand ça ouvre les yeux, on se range de la bonne façon. D'accord? Donc, si on est chrétien, le songe vient de Dieu. Maintenant, prenons un exemple de songe, d'accord? Dans ce même livre des Actes des Apôtres. Allons-y au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 16. Vous ne vous posez pas la question, pendant qu'on a cherché là. Quand Marie était enceinte et que Joseph voulait le quitter, qui est venu? On est venu là, son dit à Joseph que quoi? Voilà. Que ne quitte pas, que prendre cet enfant, ne rejette pas Marie, parce que l'enfant qui a conçu vient du Saint-Esprit. Quand il s'est levé, il n'a pas dit c'est sûr que c'est l'ennemi. Comment il pouvait croire que c'est Dieu qui lui a parlé comme ça? Juste ce qu'il prend Marie sans problème. Le jour où on va venir vouloir pour tuer l'enfant, l'ange va encore venir en songe que lève-toi, prends l'enfant, va en Égypte. Quand il se lève, il n'a pas d'ambiguïté pour dire c'est sûr que c'est l'ennemi qui parle. Il suit cette direction. Même les mages, même qui sont sortis de l'Orient, on est venu en songe divinement pour leur dire que prenez notre chemin. Et nous, ils ont pris ce chemin. Pourquoi nous, les chrétiens qui avons le Saint-Esprit qui est censé nous conduire dans la vérité aujourd'hui, on entend justement que le porc nous poursuit. On voulait me tuer dans le songe. Ah, on m'a appuyé jusqu'à ce que la sueur coulait sur moi. Quand je me suis levé, j'ai crié jusqu'à la sueur coulait sur moi. C'est quand j'ai des vies chrétiens aujourd'hui là. Actes des Apôtres. Chapitre 16. Vous y êtes? Je veux que vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, mon cher. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Stoppons là-bas et commentons. Si vous avez lu Actes des Apôtres, l'issue de la prison, qu'on va les chicoter en prison. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ils devaient dire, il faut regarder que c'est Paul qui nous a amenés et ici. Parce que quand ils vont aller à Macédonie, là-bas, ils vont suivre en prison, qu'ils vont aller là-bas, on va les chicoter, les mettre en prison, vous enchanter, parce que le tremblement de terre va arriver là. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, comme ils sont allés à Macédonie, et que finalement ils sont allés en prison, ils vont se dire que Paul, ta vision là, tu es sûr que ça venait de Dieu? Parce que comment Dieu peut nous envoyer ici, on part en prison? Dans ta vision, tu as vu quelqu'un qui est venu dire que c'est cool, mais nous nous trouvons en prison. Mais regardez plus haut. Il dit qu'il voulait entrer en Asie, le Saint-Esprit les a empêchés d'entrer. Ça, c'est physiquement. Et puis, il part en misère. Il veut entrer l'Esprit de Jésus. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Ne le leur permit pas. Ils sont descendus maintenant à Troas, la nuit, pendant qu'ils dormaient. Vous voyez le Saint-Esprit, la façon de réagir. Souvent, il parle directement. À un moment donné, il parle plutôt dans les songes. Dans la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien vient en vision, dit, passe en Macédonie et secours-nous. Voilà la vision. La Bible dit quand il s'est levé, ils ont compris maintenant que le Seigneur les poussait donc à aller annoncer l'évangile à Macédonie. N'est-ce pas si vous comprenez? Vous voyez qu'il a eu le songe, mais personne n'a eu l'ambiguïté là pour dire que mais tu es sûr que ça vient de Dieu. Chasse d'abord des lions, ça si ça vient de Satan, des lions. Ils avaient la certitude qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ils avaient la certitude qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Vous allez voir les disciples là-bas, ils n'auront aucune ambiguïté quant aux visions, aucune ambiguïté quant aux songes. Nos songes, c'est que on veut me tuer, on veut me tuer. On se lève avec la sueur. Maman, c'est quoi? On voulait me tuer. C'est quel genre de vie on a de vivre là? Donc, notre vie, c'est pour fuir les ennemis. Ils n'ont pas le temps de rêver sur les ennemis. Vous avez remarqué? Ils ont le temps d'avoir le songe pour l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Dernière question. Oui, prenons d'abord là-bas le. Oui. Non, j'aimerais avoir un peu la différence entre le sacrifice, le monde et l'offrande. Oui. Parce que dans une église, bon, dans un rassemblement oui. de personnes, oui. on appelait avant oui. une église, oui. ils s'attardent pas souvent sur le monde. Oui. Parce que, en fait, hier, je regardais aussi mes notes. Oui. Quand je voulais les déchirer, oui. j'ai même commencé. Attends, tu voulais déchirer. Pourquoi la sœur avait porte ta chaise, tu viens, frère, quitte ici d'abord. Toi, tu ne parles même pas d'abord de beaucoup. Viens, ma chère, viens. Viens. Viens. Il a l'air d'avoir avec la Bible, il t'aimait le jour avant même. Viens. Il ne veut pas déchirer. Oui. Oh. Qu'est-ce que tu avais mis dessus même pour déchirer comme ça, là? Dis-nous. Je voulais me débarrasser de ça. Tu es rentré à la maison, tu étais fâché. Non, je lisais. Et puis réaliser que j'avais parfois été un peu berné. Oui, qu'on t'a embrouillé. Oui. Dis-nous par exemple, qu'est-ce que tu as lu là-dessus qui t'a poussé à déchirer? Parce que je vois qu'au niveau de le monde, les explications données par le pasteur, oui. très courtes. Il oui. dit, le monde se fait aux nécessiteux. Oui. Il a grandi, il parle beaucoup plus du sacrifice. Oui. J'ai par exemple noté, le sacrifice, pour nous, c'est le moyen qui ouvre des portes dans l'invisible. Applaudissez pour le pasteur. Là. Écoutez, non. Oui, écoutez. Non, recommence encore, c'est très intéressant. Les pasteurs sont trop forts à Libreville. Le oui, sacrifice, c'est pour nous le seul moyen qui ouvre des portes dans l'invisible. Oui. Pour que les bonnes choses de Dieu coulent sans cesse. C'est la manifestation du plus grand détachement. Le sacrifice, nous devons le faire de tout cœur et sans regret. Par le sacrifice, les anges font ce que vous ne pouvez pas faire, choisir quelques billets dans son sac en signe de sacrifice, ce n'est pas ça. Pour le sacrifice, il faut donner tout ce qu'on a en sa possession. Et sur l'offrande, j'avais noté, l'offrande se fait à Dieu en reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il veut voir notre élan, notre capacité à réagir, c'est un acte de gratitude. En fait, je réalise que c'est notre élan envers le pasteur. Absolument. Mais ça m'a mis Dieu là-bas pour que vous ça vous soit vous voile. En fait, quand je relis, je me rends compte que c'est l'élan envers lui. Oui. Alors maintenant, il y a un autre enseignement sur ceci, le sacrifice d'après la nouvelle alliance. Il y a des enseignements. L'action de grâce, c'est que la Bible appelle par action de grâce dans le Nouveau Testament. Il y a l'enseignement. Et puis, il y a le sacrifice que Dieu agrée. Il y a l'enseignement. D'accord? Il y a les sacrifices qui vous font mal. Il y a l'enseignement. Donc, si vous prenez ça maintenant, je vais encore vous prendre du temps. Permettez qu'on dépose ceci que vous venez avec la tête fraîche et je vous les bouscule encore. D'accord. Donc demain c'est notre jour, on va faire cela. On va entrer en détail dessus. Donc continue, détache encore. C'est demain ou c'est mercredi. Mercredi, je vais déchirer encore davantage. Vous voyez comment le pasteur dit, non? Que le sacrifice n'est pas à prendre quelques biais. Il faut en fait donner tout. En fait, juste ça te fait. Juste ça te fait mal. Bon, le jeûne, dis-nous quand même, parce que tu es notre cobaye. Quand il avait dit ça, le jour, tu avais fait comment? Bon, ce jour-là, je n'avais pas. Je reconnais quand même que j'ai toujours eu beaucoup de vigilance. Oui, tu guettais comme ça et tu tournais le programme, tu guettais. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu as remarqué autour de toi, l'engouement, par rapport aux gens qu'ils avaient écoutés? Oui. Les gens ont donné, ils ont donné ce qu'ils avaient fait mal. Oui, oui, frère Junior, puisque c'est le mot est dit, oui. Il faut un élan, il faut donner pour Dieu, il faut suffisamment donner. Oui. Ne pas prendre quelques billets, prendre tout ce qu'on a pour Dieu. Bon, et de l'autre côté, il dit que Dieu n'a pas besoin de notre argent. N'est-ce pas? Oui. C'est quand même une ambiguïté déjà. En fait, il le dit, il dit qu'il n'a pas besoin de notre argent. Ça oui. veut dire il a tout. Il a tout. Ça veut dire okay, maintenant, dans ce cas, vous avez oui. donné sans ne lui dire rien. En donc, fait, Dieu n'a pas besoin de ça, mais donnez quand même. Vous voyez que en fait, ils ont les techniques pour détourner et pour vous envoûter. Mais pardonnez-les, s'il vous plaît, pardonnez-les, d'accord? Vous avez ça confus ce qu'il vous a dit hier, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Tu seras surpris lorsqu'on va lire la Bible sur ce que la Bible appelle par sacrifice. On va voir cela ici, d'accord? Le sacrifice, on va voir. Dans... Et puis, comme j'avais promis dans le premier jour que nous sommes entrés ici, j'avais dit qu'on va vous montrer maintenant comment diriger votre finance d'après le Seigneur. Amen. Comment guider donc? Je crois que si vous me permettez, venez vendredi tôt vraiment à 10h, qu'on commence mercredi donc, pour qu'on puisse commencer et enseigner bien cela, d'accord? Donc, quand vous venez fraîchement, on commence par là. On va ça, on va positionner dans la Bible. D'accord, ma chère? Tu es encore fâché contre quoi? C'est une nuit. Oui, mon frère. Oui, moi je voulais, en fait, c'est peut-être pas dans le même sens. Mais oui. Je crois que c'est des passages qu'on utilise toujours. Oui. Bon, dans Galates 6, chapitre 6, verset 6. Verset 6. Ok, maintenant, en fait, ça va dans le même sens. Puisque c'est dans le sacrifice, on va joindre là-dessus. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 8. Et au-delà. Non, 1 Timothée. Oui. 18. Hein, non, 5, verset 18. 5, verset 18. Verset 18. Voilà. Le vrai mérite son salaire, c'est de suite. Voilà. Celui qui laboure, laboure. Voilà. Il connaît tout cela. Voilà. Donc, on va joindre sur tout ça parce que c'est ici à avoir. Voilà. Oui, ici. On t'a aussi trompé. Non. Attends, toi, on ne t'a pas trompé. Mettez la main sans regarder là où vous prenez de l'argent. Attends, qui a dit ça? Le pasteur. Mettez la main dans le sac ou bien dans la poche sans regarder ce que tu vas faire sortir. Même si tu as mis 100 000, tu... Que ça sort, quand ça sort, c'est déjà pour Dieu. Quand tu mets la main, quand ça sort là, des poches seulement, ne regarde pas. Prenez tout. Qui est dans votre sac. C'est vos pasteurs qui disent ça. Oui. Et quand ils disent ça, vous faites ça. Oui. La prochaine séance, vous venez encore, vous le regardez dans les yeux, vous dites merci pasteur. Bon, je veux que vous me dites ça autrement. Je veux que vous me dites ça de façon honnête. Quand vous donnez vrai, est-ce que vous étiez en paix? Frère Junior, moi j'ai un témoignage. Oui, attends d'abord, on prend le témoignage. Il dit, quand vous donniez cela, vous étiez en paix. En fait, frère Junior, oui. Moi je l'ai dit que, vous voyez, quand nous sommes enseignés, oui. Hein, oui. Vous nous enseignez les réalités. Oui. Lorsque nous sommes dans les dénominations, nous lisons la Bible, nous savons que c'est ce que dit la Bible. Oui. Mais plusieurs. Comme dit souvent mon époux, vous voyez, quand vous faites ça, oui. au lieu que je regarde, oui. hein, je vais regarder à l'ampoule qui est là. Oui. On ne regardait plus à Dieu. Oui. Mais on regardait au pasteur. Il faut que tout vous concentrez sur lui. Dans la communauté, le nombre de personnes dont nous étions, franchement, je vais parler de sincérité. Oui. Moi, personnellement, avec mon époux, lorsqu'on posait les actes, oui. on les posait sincèrement. Oui. Parce que nous, vous pensez que c'était pour Dieu? Oui, nous, on les posait vraiment sincèrement. Il y a des choses qu'on raisonnait, mais il y a des choses pour les actes qu'on posait. Nous, on se disait que c'est ce qui va nous amener à la construction, par exemple, du... Comment je peux dire? De l'Assemblée. De l'Assemblée. Et pour le bien-être de tout le monde. Et pour le bien-être, parce que pour nous, par exemple, tout de suite, si on fait, on demande de poser un acte, oui. Nous disions par exemple qu'il y a les démunis dans l'église. Cette répartition-là, ce n'est plus à nous qui posons les actes de l'église. Donc c'est un moment le contrôle même de l'église. Parce que dans l'église, il y a des compartiments. Pour nous, on se disait que ça se faisait. On n'avait plus des regards là-dedans. Alors que le gars se construisait son château. En fait, et il investissait dans les banques. Voilà. en achetant les terrains quelque part là, ils construisaient pour mettre en location. Ça a été fait, n'est-ce pas? Et quand ils voyaient, vous dites que notre pasteur voyageait. Et vous, pardonnez encore, vous priez pour lui que Dieu le fasse accomplir la mission. Vous priez pour lui bien. Que Seigneur donne encore les clients là-bas pour qu'il les trompe bien. Oui, donne-nous ton témoignage, monsieur, ma soeur. Moi, j'ai fréquenté un peu beaucoup des églises. Oui, dis-nous. Ça veut dire que tu as été infesté bien, même, dis-nous. C'est que quand j'étais catholique. Oui. Baptisé catholique. Oui. Quand je pars là-bas, j'ai dit non. Ça là, je ne peux pas. C'est pas bon. Parce que quand on amène le panier, on dit, fouillez encore. Ne mettez plus les 100 francs. On ne veut pas les 100 francs. Donc, même les catholiques, ils sont fatigués de compter les pièces. Peut-être même la corbeille passe même deux à trois fois. Oui. Ah, les catholiques aussi. Chez les catholiques. Ah, c'est fort ici. Hein. J'ai dit non. Et c'est là. J'arrive chez les protestants. Pareil. Oui. J'ai fréquenté un peu beaucoup. Néanmoins, que là où je suis là, le pasteur lui-même, il habite dans sa maison. Oui. Et l'église est là. Oui. Il vous dit, moi je ne regarde pas votre argent. Vous donnez, vous ne donnez pas. Je travaille. Oui. Ma femme travaille. Ce n'est pas mon problème. Bon, le jour où il ne doit pas travailler, alors il va faire comment? Vous donnez, vous ne donnez pas. Bon, le jour où il ne doit pas travailler, il va faire comment? Mais ça m'avait rendu stable à un niveau que même l'église, je ne partais plus. Oui. Va à l'église, j'étais à la maison. Oui. Tu faisais quoi à la maison? Tu avais peur que tu parles là-bas, on dit que plonge ta main encore, ça ne sort ce que tu vas sortir. Bon, dans ce cas, quand vous savez déjà qu'on dit que plonge ta main, en venant, tu ne mets plus rien à l'intérieur. Moi, je ne mets même plus. Oui, tu ne peux pas plus rien avec ça, non? Quand il dit que plonge ta main, tu sais que si tu plonges ta main, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Tu vas donner quoi? C'est qu'il va se fâcher, il va demander que vous qui venez à la maison, ne venez pas à la maison le même vide. Exactement. C'est pas ça? On a vu ça ici hier, non? Quand vous donnez, Dieu va vous rendre ça au sanctuaire. Bon, il a rendu le sentier quand depuis que tu donnais. Le bon, on va prier. Ouvrez vos bouches vous-même. Ouvrez vos bouches vous-même, vous parlez au Seigneur de tout ce qu'il a de faire pour vous. D'accord? Vous-même parlez lui, remerciez-le. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Parlez-lui. Parlez-lui, vous tous qui nous écoutez, parlez-lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, selon tes écritures, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, mets-nous encore la lampe sur nos pieds, afin que nous soyons éclairés au Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, pour que nous soyons élevés, au nom puissant de Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé dans vos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Bonne soirée.